Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, quelles sont les règles applicables aux absences pour enfants malades ? Le salarié, homme ou femme, qui souhaite s'absenter pour s'occuper d'un enfant malade ou accidenté, d'un enfant de moins de 16 ans, dont il assume la charge, peut bénéficier d'un congé non rémunéré. Ce congé peut être d'une durée de 3 jours par an, en règle générale, ou de 5 jours par an si l'enfant concerné a moins d'un an ou si le salarié assume la charge d'au moins 3 enfants de moins de 16 ans. Il est à noter que la convention collective applicable à l'entreprise peut prévoir, bien entendu, des conditions plus favorables pour le salarié. Versement du salaire, par exemple, jour de congé supplémentaire. Pour faire la demande d'absence, il suffit d'adresser à l'employeur le certificat médical attestant, bien entendu, de l'état de santé de l'enfant. Indépendamment des congés précités ici, les salariés ont droit, au titre des congés pour événements familiaux, à un congé pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant. Un congé spécifique est donc accordé aux parents lors de l'annonce de la maladie chronique de leur enfant. Les parents qui apprennent que leur enfant souffre donc d'une telle pathologie chronique ou d'un cancer peuvent donc désormais bénéficier d'un congé spécifique d'une durée de 2 jours minimum. En effet, une loi promulguée le 18 décembre 2021 au Journal officiel prévoyait les premières modalités de cette mesure. Un décret du 27 mars 2023, donc le 27 mars dernier, vient préciser quant à lui la liste des pathologies ouvrant droit à ce congé. Donc déjà prévu depuis 2016 pour les parents salariés apprenant le handicap de leur enfant, la loi de 2021 a étendu un congé spécifique aux parents qui apprennent donc la survenue chez leur enfant d'un cancer, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique, comme je le dis, c'est-à-dire nécessitant un traitement médicamenteux lourd et une hospitalisation. Alors la liste des pathologies chroniques ouvrant droit à ce congé spécifique est donc précisée dans ce nouveau décret de 2023. Et parmi les pathologies, on peut citer par exemple un accident vasculaire cérébral invalidant, un diabète de type 1 et de type 2, des formes graves d'affections neurologiques et musculaires, dont myopathie et épilepsie grave, une insuffisance respiratoire chronique grave, également la maladie d'Alzheimer ou bien encore la maladie de Parkinson, une mucoviscidose ou bien encore une sclérose en plaques. Vous pouvez retrouver la liste complète de ces pathologies en consultant le décret numéro 2023-215 du 27 mars 2023, pour cela en allant sur le site Légifrance. Il s'agit bien entendu de pathologies de longue durée, évolutives, ayant un fort retentissement sur la vie quotidienne. Les salariés du secteur privé, quel que soit le type de leur contrat, peuvent bénéficier de ce nouveau congé sur présentation d'un justificatif. Sa durée minimale est donc de 2 jours ouvrables, qui peut être augmentée par convention ou accord collectif d'entreprise ou à défaut accord de branche. Cette absence n'entraîne pas de perte de salaire et n'est pas décomptée des congés payés. Le congé est alors à la charge de l'employeur et il est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Dans le cas des fonctionnaires, ce congé est considéré comme une autorisation spéciale d'absence, les fameuses ASA. À savoir, en France, entre 1,5 et 4 millions d'enfants de 0 à 20 ans seraient atteints de maladies chroniques et 2500 enfants environ sont diagnostiqués porteurs d'un cancer. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.